Chapitre 4. Tous les ans, au mois de juillet, la reine, escortée d'une seule dame d'honneur et d'un seul chambellan, se rendait incognito à Karlsbad pour y faire une cure de 25 jours. Elle vivait là simplement, sous le nom de comtesse de Steinhall, menant à peu près l'existence de tout le monde. Le matin, dès 6 heures, on la voyait descendant du quartier des Anglais se diriger vers le Mühlbrunn et faire, au son de la musique, la promenade réglementaire d'un quart d'heure entre chaque verre d'eau. L'après-midi, on la voyait encore, traversant l'Altevise, s'arrêtant aux étalages de verreries de Bohême ou de coffrets d'érable incrustés d'acier, une industrie du pays, puis gagnant les montagnes et gravissant les hauteurs verdoyantes de Laberg ou de Wilhelmsruhe. Au retour de la promenade, elle daignait même s'arrêter au Posthof et s'asseoir à une des petites tables, dressée dans le jardin pour y prendre l'inévitable tasse de café au lait qui représente là-bas une institution nationale. Cette vie simple, hygiénique, non officielle, enchantait Christiane. Ses forces morales s'y recrutaient autant que ses forces physiques. Avec l'élasticité de la jeunesse, elle était jeune après tout, elle reprenait confiance. Vue de loin, les misères qui écrasaient sa triste existence de reine lui paraissaient moins lourdes, les responsabilités moins effrayantes. Peut-être les choses s'arrangeraient-elles. Le peuple se lasserait de ses aberrations, Éric de ses infidélités. Et son fils, le cher petit qui commençait à vivre, ignorant les périls planant sur sa tête blonde, son fils regagnerait la popularité que ses parents avaient perdue. Il serait un roi fort, respecté, voulant le bien et sachant l'accomplir. Oh oui, ce serait mal de désespérer. Dieu ferait luire un peu de soleil en compensation de tant de jours sans lumière. Cette année cependant, les vacances de Christiane, ces vacances si impatiemment attendues, allaient être troublées. Toujours les exigences de la politique. Pendant la durée de sa saison à Karlsbad, une rencontre de souverains devait y avoir lieu, une de ces entrevues politiques qui prétendent ajuster les difficultés européennes sans que les résultats en soient jamais bien saisissables. Éric était convié à l'entrevue et en cette occasion, pour proclamer la bonne intelligence qui régnait entre lui et son frère, un fait si rare qu'il convenait de le souligner, le roi se faisait accompagner par Ewald. Assurément, il était facile de prévoir que la cure de la reine s'en ressentirait défavorablement. Et pourtant Christiane n'avait pas osé la journée. Le plaisir de changer ou de modifier un projet est de ceux que les têtes couronnées ne doivent pas connaître. Elle était donc partie à la date fixée, n'emmenant que Ludmi et le duc de Leuven qui, pour la circonstance, acceptaient de remplir les fonctions de chambellan in partibus auprès de sa royale cousine. Celle-ci se trouvait heureuse entre lui qu'elle aimait comme un frère, et la jeune fille pour laquelle, tous les jours, elle ressentait une affection plus vive. Pourquoi fallait-il que ce court intervalle de repos fût interrompu dans un délai si proche? Enfin, on avait une semaine devant soi, et cette semaine s'écoulait doucement, sans qu'un nuage en altérât la sérénité. Christiane se laissait aller à une expansion joyeuse, le fond véritable de son caractère. Ludmi dépouillait l'orgueilleuse défiance dont elle se révélait à la cour comme d'une armure impénétrable, et sa nature ouverte, son esprit original, apparaissait dans tout leur charme. Le duc de Leuven avait été prompt à en subir l'attrait. C'était pour lui une révélation que cette femme, si en dehors des types voulus qu'il avait rencontrés jusqu'ici. Que d'aperçus profonds dans cet esprit de jeune fille, que de passion et d'ardeur contenues, que de convictions éloquentes, et avec cela, la simplicité d'une enfant s'ignorant elle-même, dédaigneuse du prestige de sa beauté et de sa supériorité morale. Pour un homme comme le duc de Leuven, un homme doué de toutes les délicatesses et sachant les apprécier toutes, l'intimité avec Ludmi constituait un danger suprême. Il y succomba sans presque s'en rendre compte, sans comprendre que c'était à la présence de la jeune comtesse qu'il devait l'épanouissement qui se faisait en lui, le flot de bonheur qui inondait son âme. Il se reprochait d'avoir été ingrat jusque-là, de n'avoir pas su apprécier la grande part que Dieu lui avait faite. Ne possédait-il pas tout? Une naissance quasi royale, une fortune princière, 30 ans et la vie devant lui, et une espérance, vague encore, mais qui remuait délicieusement toutes les fibres de son cœur. Ah oui! Lorsque bercé dans son rêve, il se promenait seul le long du cours sautillant de la Temple, ou qu'il s'enfonçait dans les sentiers assombris par les reflets noirs des pins, à coup sûr, il n'existait pas d'être plus digne d'envie, plus affranchi des préoccupations et des inquiétudes humaines, que le duc Olaf de Leuven. L'arrivée des souverains changea brusquement l'aspect de la ville. Carlsbad, malgré sa vieille habitude de voir défiler d'augustes personnages, s'était mis en frais de représentation. Partout des arcs de triomphe, des banderoles flottant au vent, portant en caractère doré des paroles de bienvenue, des drapeaux fraternisant à toutes les fenêtres, symbolisant l'union des puissances, puis une agitation dans l'air, des reporters affairés courant en quête de renseignements inédits, sur la visée des groupes de baigneurs discutant l'issue probable de la conférence, des arrivants de la dernière heure s'arrêtant de porte en porte pour obtenir de se loger à n'importe quel prix fantastique, de toutes parts, comme un va-et-vient de coulisses avant le lever de la toile, le soir d'une première à sensation. Un pavillon contigu à la villa de la reine avait été retenu pour le roi Éric, le prince Ewald et les 7 ou 8 personnes qui composaient leur suite. Les repas devaient se prendre chez Christiane. C'en était fait de l'intimité de la petite table à 3. La reine reprenait le fardeau. Ludmi se renfermait en elle-même. Quant au duc, il lui semblait que son rêve ailé lui échappait, que le mal de vivre allait les ressaisir tous. Un moment transporté dans des régions meilleures, il se voyait retomber pesamment sur la terre. Éric, fort heureusement pour son amour-propre, ne se doutait pas qu'il venait jouer le rôle de trouble-fête. Il arrivait en excellente disposition, heureux de cette phase d'accalmie qui s'annonçait dans la question extérieure. Celle-ci réglée, on aurait plus facilement raison des difficultés domestiques. Sûr, en cas de besoin, d'un appui au dehors, on ne craignait plus de s'affirmer chez soi, on pourrait y parler en maître. Et tout grisé d'optimisme, je ne sais quel réveil de tendresse pour Christiane s'opérait en lui. Il lui développait en longue confidence ses plans d'avenir. Tout marcherait à souhait. Ewald d'ailleurs leur viendrait en aide. Il devenait conciliant. Oh, à n'en pas croire, Christiane verrait. Avec un peu de savoir-faire, on réussirait à s'entendre et lui, Éric, se chargeait de la besogne. Ce qu'il y avait de vrai dans ses appréciations, l'attitude du prince ne permettait guère d'en juger. On eût dit chez lui un parti pris de se désintéresser de tout. Cela s'expliquait, du reste. En accompagnant son frère, il avait tenu à réfuter l'accusation éternellement dirigée contre lui, celle d'une hostilité érigée en système. Il prouvait qu'il n'était pas ennemi, mais il ne voulait ni engager sa ligne de conduite, ni compromettre sa liberté d'action. Aussi, évitant la politique, restait-il exclusivement sur le terrain d'un homme du monde et d'un homme d'esprit. C'était se montrer sous son jour le plus favorable. En dépit de ses préventions, Ludmi ne pouvait se défendre d'un certain plaisir à l'entendre causer. Il la charmait, tantôt par l'originalité spirituelle de ses observations, tantôt par ce don si précieux qu'il possédait à un rare degré, celui de savoir écouter. Oui, il fallait en convenir, cet être mauvais était aussi un être séduisant. Pour ceux qui ne jugeaient que superficiellement, il y avait en lui quelque chose qui pouvait justifier l'enthousiasme. Toutefois, ce pouvoir de fascination, auquel Ludmi rendait une justice involontaire, Ewald ne semblait nullement désireux de l'exercer sur elle. Il était blessé, peut-être, du ton agressif qu'elle avait adopté en lui répondant dans la soirée du Sommerschloss, et il n'était pas homme à multiplier ses avances. Mais d'autre part, il ne lui témoignait pas d'aigreur. C'eût été donner trop d'importance que de l'élever à la hauteur d'une querelle. Il se renformait donc vis-à-vis d'elle, dans les formules d'une stricte politesse, ne se doutant pas que le soin qu'il mettait à ne lui adresser la parole que dans les occasions indispensables trahissait trop clairement l'irritation très réelle qu'il prétendait dissimuler. La conférence, bien que poursuivie avec une certaine lenteur, touchait à son terme. Déjà 3 entrevues avaient eu lieu. À la suite de la 4e, qui serait la dernière, les souverains se sépareraient. De grands préparatifs se faisaient pour la journée d'adieu. Le programme inévitable de ces sortes de cérémonies s'exécuterait dans toute sa rigueur. Le jour, une députation de la ville défilerait, autorité et bannière en tête, devant ses nobles hôtes. Le soir, aux illuminations à Giorno dans les montagnes, succéderait une représentation de gala donnée au Kursaal par une troupe de Vienne venue pour la circonstance. Toute corvée officielle dont la reine, de par son incognito, se trouvait exonérée, mais elle aussi devait avoir son jour de fête. Éric, dans un élan de galanterie qui ressemblait à ceux d'autrefois, lui consacrait tout un après-midi. On irait goûter en plein air à Hans Heiligfels, vis-à-vis de ces cimes escarpées où la tradition locale veut voir de fiancés agenouillés dans leur robe de pierre et recevant la bénédiction du prêtre. Un beau site sauvage, avec son amoncellement de roches grisâtres plongeant dans les eaux chantantes de la Tepel et s'élançant en fines pointes dentelées vers l'infini de l'azur, une délicieuse retraite où l'on pouvait se faire l'illusion de croire qu'il n'existait ni trône à renverser, ni opposition à combattre. On partirait de bonne heure. La route se ferait moitié en voiture, moitié à pied. On goûterait sur l'herbe, puis, au soleil couchant, on reviendrait par la rivière. Une vraie partie de collégiens émancipés. Le ciel favorisait l'escapade. Rien de plus radieux que cette journée de juillet, baignée de lumière, de parfum et d'harmonie. Les émanations résineuses arrivant des montagnes se confondaient avec l'odeur fine des roses de haie, s'épanouissant le long du chemin. De toutes parts, un gazouillement d'oiseaux, un chuchotement de feuilles, comme un frisson de vie qui animait les choses. En vérité, une journée unique, bien faite pour dilater et ensoleiller les cœurs. Chacun en subissait l'influence. On eût dit qu'une sorte de trêve tacite s'était conclue entre Ludmille et Ewald. Lorsqu'au sortir de la ville, Christiane donnait le signal de mettre pied à terre, c'était le prince qui avait aidé la jeune fille à descendre de voiture. Et le roi et la reine, prenant seuls les devants, c'était le prince encore qui était resté auprès de Ludmille pendant que celle-ci s'attardait à cueillir un bouquet de fleurs sauvages. Il avait beau être irrité contre elle, il ne pouvait résister à l'attrait de suivre chacun de ses mouvements. En face de cette superbe créature, il éprouvait le trouble que ressent l'artiste devant une toile de maître. Et quelle manifestation de l'art pouvait approcher de cette perfection vivante? Ludmille, pour sa part, était tout absorbé par la composition de son bouquet qui, sous ses doigts agiles, prenait des proportions démesurées. Elle eût voulu ne rien laisser de ces graves odorantes de chèvrefeuille, de pâles églantines se mêlant aux fleurettes blanches des troènes, de toute cette flore agreste qui exposait là sa sève débordante. Le prince s'amusait de la voir se débattre avec les branches rebelles, si excitée par la lutte qu'elle se retournait vers lui comme pour demander assistance. Oui, un adorable tableau que celui de cette jolie fille, inondée de clarté, souriante sous le poids de ses richesses qu'elle ne voulait pas abandonner. Pourquoi n'était-elle pas toujours ainsi? Il ne lui parlait pas dans la crainte de chasser l'allégresse de son front. Un mot de lui ne suffirait-il pas pour faire reparaître la Ludmille vindicative et inaccessible? Ce mot, il se gardait bien de le prononcer. Il voulait prolonger le plus longtemps possible la vision qui l'enchantait. Ils arrivaient en face des rochers, à l'endroit où le bateau du passeur attend les touristes pour les transporter sur la rive opposée. Déjà, ainsi que Ludmille le constata avec un certain mécontentement, le roi, la reine, le duc de Leuven étaient sur l'autre bord. La petite barque vide refaisait lentement le trajet pour chercher les retardataires. Un incident puéril, mais qui contrariait la jeune fille. Dans l'ardeur de sa cueillette, à peine s'était-elle aperçue qu'Ewald seul demeurait à ses côtés. Maintenant, ce tête-à-tête, qu'elle n'avait pas su éviter, l'irritait et chassait sa bonne humeur. La mine assombrie, elle monta dans la barque, effleurant à peine la main que le prince lui tendait. La poétique vision d'Ewald s'était dissipée. Il n'avait plus devant les yeux que l'inabordable comtesse de Held. Si Ludmille s'était rendu coupable d'une incorrection, personne n'eut l'air de s'en apercevoir. La reine l'accueillit d'un bon sourire, la faisant asseoir auprès d'elle, s'extasiant sur le bouquet sauvage que la jeune fille vint, rougissante, déposer sur ses genoux. Déjà on était installé dans une petite grotte formée par une des excavations du roc. Le goûter s'étalait sur une table naturelle de mousse et de verdure, toute une confusion tentante de fruits et de friandises disposées sur de larges feuilles, les seuls plats autorisés dans ce repas d'idylle. Pour assiette, des feuilles encore. Seuls, les couverts de vermeil, les gobelets aux armes royales juraient avec cet ensemble rustique, mais le moyen de briser du premier coup avec tous les préjugés de la civilisation. Subissant l'influence de la gaieté générale, Ludmie se rassérénait. Le duc de Leuven s'était glissé à côté d'elle, la servant avec un empressement qu'égalait son inexpérience. Sous sa main novice, les galettes refusaient de se diviser en tranches. Les bouteilles de champagne s'obstinaient à ne pas se déboucher. Une série de désastres. Lui-même était le premier à rire de sa maladresse, et ce rire contagieux gagnait toute la petite table. Décidément, il était bon de s'amuser comme de simples mortels. Mais on n'était pas venu pour le seul plaisir d'un goûter champêtre. Il s'agissait maintenant d'avancer le plus près possible des deux fiancés de Pierre, dont on apercevait de loin les silhouettes fantaisistes. Un petit chemin, frayé à travers les sinuosités du roc, facilitait l'ascension, mais la reine faisait fi des sentiers battus. Elle courait, légère, sautant de bloc en bloc, n'acceptant que pour la forme l'appui d'Éric qui l'escortait dans sa course aventureuse, surexcitée comme elle par le grand air et la pleine lumière de cette journée ardente. De temps à autre, Christiane se retournait, élant ses compagnons demeurés en arrière, les gourmandant de leur paresse. Ses yeux brillaient, le sang circulait plus vite sous sa peau délicate. Elle paraissait transformée, toute illuminée de vivacité joyeuse. « Est-ce que vous reconnaissez la reine ?» dit tout bas le duc de Leuven à Ludmie. « Je n'aime pas à la voir si différente d'elle-même. » Ludmie soupira. « N'a-t-elle pas trop de raisons de vouloir s'étourdir ? » répondit-elle. Tout en parlant, ses yeux s'arrêtaient sur Ewald, qui les précédait de quelques pas. Le duc suivit la direction de son regard. « C'est donc une prévention bien enracinée, comtesse, » dit-il en souriant. « Je vous jure qu'elle est excessive. Vous en tomberez d'accord un jour. Je vous connais assez maintenant pour être sûr que lorsque, par impossible, vous vous êtes trompé, vous n'hésitez pas à en convenir. » La jeune fille protesta d'un geste. Comme si le prince eût deviné qu'il était question de lui, il se retourna. Un moment, il regarda les deux jeunes gens. Le duc, penché sur Ludmie, lui parlait à demi-voix sur un ton qu'on sentait persuasif. Elle, la tête baissée, la bouche sérieuse, semblait impressionnée par les paroles qu'elle écoutait en silence. Une idée nouvelle jaillit dans le cerveau d'Ewald. « En serait-il ainsi ? » pensa-t-il. « Pourquoi pas après tout ? Il y a des gens qui trouveraient qu'elle fait un beau rêve. Leuven peut prétendre à tout. Et elle, je crois, est sans fortune. » De moins grande noblesse, mon Dieu, que le monde est stupide. Il s'était rapproché, désireux sans s'expliquer pourquoi, d'interrompre cette causerie dont l'intimité l'impressionnait désagréablement. Croyez-vous que ma belle-sœur veuille nous promener ainsi longtemps ? Dit-il avec un accès de brusquerie. Je ne vois vraiment pas ce qu'on veut nous faire admirer. Ces rochers sont toujours les mêmes et quant au ménage de granit, une pure mystification. « Votre Altesse y met de la mauvaise volonté, » dit Leuven en riant. « Pour moi, je commence à distinguer très bien la mitre et la crosse de l'évêque. » Avec de l'imagination, on arrivait en effet à démêler quelque chose qui ressemblait à un couple s'inclinant sous la bénédiction nuptiale. Mais ce qui se percevait plus nettement, c'était la beauté sombre de ce site sévère, de cet alignement de roches aux pans déchirés, se dressant rigides dans leur nudité grise. L'éternel travail de la nature semblait suspendu. Ça et là seulement, à travers les crevasses, les lichens et les graminées se frayaient un passage pénible. Puis tout en haut, sur l'escarpement des cimes, comme une harmonie gaie jetée au milieu de ce sauvage concert, des touffes de campanules aux teintes bleuâtres se balançaient sur leurs tiges frêles. En les voyant, Ludmie laissa échapper un cri. « Ah ! » dit-elle, « les clochers de Felsenthal !» Elle les contemplait, charmée, respirant à longs traits, comme si une bouffée d'air natal était venue subitement enfler sa poitrine. « Quel dommage qu'elle soit si haut !» murmura-t-elle. Le prince fit un mouvement en avant puis s'arrêta soudain. « Une espèce assez commune, n'est-ce pas ? » dit-il avec nonchalance. Personne ne répondit. Sur le mot de la jeune fille et avant qu'elle ait pu le retenir, le duc de Leuven s'était élancé à l'escalade du roc. L'entreprise ne laissait pas d'être dangereuse. Un pas moins jeune et moins hardi eût perdu l'équilibre sur cette crête si abrupte qu'à la regarder seulement, elle causait une impression de vertige. Ludmi, maudissant sa sotte fantaisie, surveillait tout angoissée les progrès de l'ascension. Elle se rassura néanmoins en voyant avec quelle légèreté sûre d'elle-même le jeune homme poursuivait sa course aérienne sans un arrêt, sans une hésitation. Maintenant, il avait atteint la pointe extrême du rocher, une pointe si aiguë qu'à peine son pied y trouvait-il sa place. Et courbé sur les clochettes, il les cueillait une à une, soigneusement, sans paraître avoir conscience de sa position périlleuse. Puis il redescendait, contournant la cime, découvrant comme par intuition les endroits praticables, franchissant les obstacles avec une dextérité souple que Ludmi, à travers son trouble, et Ewald, à travers son irritation secrète, ne pouvait s'empêcher d'admirer. Quant à lui, il ne semblait pas se douter que son courage audacieux pût mériter l'admiration. Arrivé auprès de la jeune fille, il lui offrit les fleurs en riant. « Cela me rappelle mon temps de collège, » dit-il, « ce qu'on est convenu d'appeler le bon temps. Il est loin déjà, mais je constate avec plaisir que je ne suis pas absolument rouillé. » Il plaisantait, voyant l'émotion de Ludmi et cherchant à la calmer. Elle-même s'efforçait de se vaincre, mais sa voix tremblait en le remerciant. « J'aurais mauvaise grâce à vous gronder, » dit-elle, « et pourtant je n'aime pas les imprudences inutiles. »« Une imprudence, comtesse, » s'écria le prince d'un accent ironique. « Mais qui donc eût voulu ne pas la commettre ? D'ailleurs, ces campanules valaient bien la peine qu'on s'exposât à se briser les membres. Je les avais mal vues de loin. L'espèce en est fort rare. » Et plus bas. « La petite fleur bleue de Carabanchel, » murmura-t-il de manière que Ludmi seule l'entendit. Un éclair traversa les yeux de la jeune fille. Sans paraître comprendre, elle porta son regard en avant. « Je crois qu'il faut hâter le pas si nous voulons arriver au bateau en même temps que la reine. » Au loin, on distinguait la robe blanche de Christiane. Celle-ci, appuyée sur le roi, redescendait la pente menant à la rivière. « Il est heureux, » dit Leuven, « que toutes les règles du cérémonial soient suspendues aujourd'hui. Nous avons abusé du droit de les enfreindre. » « Mais c'est la liberté, mon cher, » s'écria Ewald. « Le régime que vous exécrez, convenez qu'il a du bon parfois. Il vous a permis de vous couvrir de gloire. » Le ton, plus encore que les paroles, contenait une aigreur mal déguisée. Surpris, Leuven regarda le prince, puis il se mit à rire. « Vous savez bien, monseigneur, qu'il n'y a pas de gloire au monde que je voudrais acquérir sous un régime libéral. » Ludmi releva la tête. « Pourquoi pas ? » dit-elle posément. « La liberté offre une gloire très enviable. » Celle de la combattre ? Un instant, la physionomie d'Ewald s'altéra, puis recouvrant son sang-froid. Savez-vous que c'est là une très jolie phrase, comtesse ? Je comprends qu'on soutienne un paradoxe lorsqu'on a l'art de le présenter sous une forme aussi heureuse. Personne ne hait les paradoxes plus sincèrement que moi, monseigneur. En vérité, dit-il légèrement, autant que vous haïssez la liberté, j'espère au moins, ajouta-t-il, « J'espère que vous maintenez vos haines sur le terrain des abstractions. Il ne tiendrait qu'à vous d'être une redoutable ennemie. » Un flot de sang monta aux joues de Ludmi. « Votre Altesse me fait trop d'honneur. Je n'ai ni cette prétention ni ce pouvoir. » Une pause se fit. On arrivait au bateau quelques instants avant Éric et Christiane. La belle ardeur de la reine était tombée. Elle revenait lentement, très lasse. D'un pas languissant, elle monta dans la barque. « Décidément, » dit-elle à Ewald, qui s'était empressé auprès d'elle pour la soutenir, « les escalades à pic ne sont plus mon affaire. Il ne faut rien essayer au-delà de ses forces. » Elle lui fit place sur le banc à côté d'elle et continua à s'entretenir avec lui. Éric causait avec le duc de Leuven. Ludmi, un peu à l'écart, regardait fuir le paysage qui, à mesure qu'on s'éloignait de Hans Heilig, prenait un aspect plus riant. Les rives dénudées se boisaient. À droite, les maisonnettes blanches brillaient entre les arbres. À gauche, ondulait un long rideau de saules dont les branches pleureuses traînaient sur le cristal de la rivière, ridant la limpidité de son cours. La petite embarcation glissait, rapide, frôlant les touffes de joncs dressées çà et là comme des îlots de verdure, effleurant les plantes aquatiques, les légères nénuphars qui constellaient de taches laiteuses la surface argentée de l'eau. Une solennité se dégageait de cette nature calme, comme endormie sous un voile de vapeur chaude. Seul, Le bruit uniforme de la rame battant le flot interrompait ce recueillement universel. Christiane, gagnée par la poésie de l'heure et du silence, avait cessé de parler. Tous se taisaient, subissant le charme indéfinissable de cette pure soirée d'été. Et le prince, les yeux fixés sur l'horizon, comme perdu en apparence dans la contemplation du globe rougeâtre qui flamboyait au ciel, considérait Ludmi à la dérobée. Elle se tenait debout, immobile à l'arrière du bateau. Ainsi posée, enveloppée d'un nimbe d'or formé par les rayons du soleil couchant, elle était merveilleusement belle. Ewald le remarqua, mais il remarqua aussi que les campanules cueillies par Olaf étaient encore entre les mains de la jeune fille. Ce bouquet-là, elle n'avait pas jugé à propos de s'en priver en faveur de la reine.